Ludo in the mix, Ludo in the mix, le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgia FM. Sorgia FM, Sorgia FM, Sorgia FM, Sorgia FM, Sorgia FM, Sorgia FM, Sorgia FM, Sorgia FM, Sorgia FM, Sorgia FM, Sorgia FM, Sorgia FM, Sorgia FM, Sorgia FM, Sorgia FM, Sorgia FM, L'alliance va tellement funky. Vina et Melka, make it funky. L'esprit de l'alliance est funky. L'alliance va tellement funky. Vina et Melka, make it funky. L'esprit de l'alliance est funky. Oui, le sujet est ouvert de manière claire. Aucune ambiguïté, nos rapports sont sincères. Oui, c'est clair, je vous parle de respect. Je vous parle de cette valeur qui se perd en effet. Le monde moderne dissout les vraies valeurs. C'est un, là il y a de quoi avoir le cœur. On mille mille morceaux car les villes, villes aussi Joe sont touchées par le manque de respect. Oh. Come back on a funky track. Once we start, no turning back. Feel the groove and you will move to this all night long. Once you learn, you start to grow. Once you grow, you start to know. Respect yourself and the rest will flow. Du respect pour le bang bang, boogie boogie hoogie hoogie haha. Respecte l'ancienne école et sa descendance. La nouvelle école a besoin de cette présence en France. Le break est oublié et le rap est commercialisé. Le tag disparaît et le graphe ressurgit dans des galeries d'ART spécialisées. Malgré tout ça, des acharnés demeurent dans chaque spécialité. Paix, respect aussi à tous les funky de la planète. Mais quand je dis funky, pensez plus au comportement qu'à l'esthétique et tout le vent. Oui, le funky est un état d'esprit. Sachez que l'oriental number one, ouais, on fait partie. Je... Magic in the moves, find yourself inside the grooves. Music's what we really came here for. Moi ton email, jeune demoiselle recherche un mec mortel. Un mec qui pourrait me donner des ailes. Un mec qui rêve de famille et de toucher le ciel. Donc si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Dans mes rêves, mon mec à moi, à la voix de musique soul chai. Il a du charme et du style à la Beckham. Il a la classe et le feeling tout droit sorti d'un film. Le charisme de Jay-Z et le sourire de Brad Pitt. Mon mec à moi n'aime pas les bimbos. Non, il aime les formes de Gillo. Il a le torse de D'Angelo. Dans mes rêves, mon mec me fait rire comme jamais et me fait la course sur du Cabrel. Pam pam pam pam. Dans mes rêves, mon mec m'enlève et m'emmène. Pam pam pam pam. Dans mes rêves, mon mec m'aime et me rend paix. Pam pam pam pam. Dans mes rêves, mon mec m'enlève et m'emmène. Pam pam pam pam. Si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Jeune demoiselle recherche un mec mortel. Un mec qui pourrait me donner des ailes. Un mec fidèle et qui n'a pas peur qu'on l'aime. Donc si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Jeune demoiselle recherche un mec mortel. Un mec qui pourrait me donner des ailes. Un mec qui rêve de famille et de toucher le ciel. Donc si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Dans mes rêves, mon mec me parle tout bas. Quand il m'écrit des lettres, il a la plume de Booba. Mon mec a des valeurs et du respect pour ses sœurs. Il a du cœur et quand il danse, mon mec c'est Usher. Mon mec c'est Usher, Usher, Usher, Usher, Usher, Usher. Mon mec c'est Usher, Usher, Usher, Usher, Usher. Mon mec regarde Scarface, les affranchis et Casino, mais aussi Friends, Lost et les Sopranos. Mon mec est clean, mais au-delà du style. Mon mec c'est une encyclopédie car elle se cultive. Bah ouais, mon mec est top, entre l'intello et le beau gosse. Et peu m'importe qu'il se balade en Porsche. Bam, bam, bam, bam. Dans mes rêves, mon mec m'enlève et m'emmène. d'Eminem. Il a des airs de Minet quand il m'emmène en week-end. Mon mec fait mal au crâne. Il a le calme de Zidane et le regard de Méthode Man. Mon mec c'est itch, il insiste. Mon mec c'est prendre des risques et ne regarde pas les bitches. Non, mon mec connaît les femmes et c'est bien qu'on y chiante. Qu'on gueule tout le temps pour savoir quand il rentre. Mon mec est bon, ouais, mon mec est complet. Mon mec c'est un peu de mon ex mélangé à mon père dans la vie. Mon mec est digne à la Mohamed Ali et ses potes me font rire à la Eric Ramsey. Doucement se parler, pas de se laisser écouter. le temps, j'ai fait le bon choix. Tout doucement s'en mêler, pas à pas se dévoiler, ne jamais s'arrêter. T'as fait le bon choix. Tout doucement se parler, pas de cesse de s'écouter, car le temps nous est compté. T'as fait le bon choix. Tout doucement s'en mêler, pas à pas se dévoiler, ne jamais s'arrêter. T'as fait le bon choix. T'as fait le bon choix. Don't I'm trying to just see. We got your open, now you're floating, so you got to dance for me. Don't need no hateration, holleration in this dancery. Let's get it percolating while you're waiting, so just dance for me. Come on everybody, get on now, cause you know we got to get it wrong. Mary J is in the spot tonight, and I'ma make you feel alright. Feel alright. Come on baby, just party with me. Let loose and set your body free. Oh. Leave your situations at the door, so when you step inside, jump on the floor. Let's get it. Your back and get your body bumping. I told you, leave your situations at the door. So grab somebody and get your ass on the dance floor. Let's get it. Over on the dance floor, it's her fault, but what can she do? need you. Tell me, baby, yeah. Le vendredi et le samedi à 21h.

to shine my name. Want you feel me lover, me want you feel me friend. Till the very end, till the very end. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. You know, say that I'm a stormy, I'm a blame. I'll keep on bum down. Take the man that says that I'm a stormy, stab somewhere down the lane. I'll keep on bum down. Informer. You know, say that I'm a stormy, I'm a blame. I'll keep on bum down. Take the man that says that I'm a stormy, stab somewhere down the lane. I'll keep on bum down. He said I'm a little woman, they blow down my door. Rain you can pour through my window. So they put me in the back of the car at the station. From that point on, I reached my destination. Where the destination reaching out of east detention. Where the look down my pants, look up my bottom. So informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it boom boom damn. Take the man that says that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I like it boom boom damn. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it boom boom damn. Take the man that says that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. They keep on bum down, so they got them out, they think them have more power. They point the phone, me say they point a war. Me for once I use the once and now me call me lover. Lover who be calling on the one tell me. And me lover you, my heart down to my belly. Yes, they never saw me, I feel cool and deadly. Yes, the one MC Shine and the one that is snow. Together we all have them, it's a tornado. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I keep on bum down. Take them on the city, say that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I keep on bum down. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I keep on bum down. Take them on the city, say that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I keep on bum down. So listen for me, you better listen for me now. Listen for me, you better listen for me now. Bring me the rubber, the blanket, the foam, the rock and steady. You say that I'm a snowman, you're the art to cut on. But I'm not in and I have the dance. I mean, say where you come from. People them say you come from Jamaica, but me born and raised in the ghetto, no one shall for know. People and people, man, is all a man know. Yeah, my shoes are them tear up and my toes just a show. When me a ball and other one around, so so informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I like it boom boom damn. Take them on the say that I'm a stormy, stop somewhere down the lane. I like it boom boom damn. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I like it boom boom damn. Take them on the say that I'm a stormy, stop somewhere down the lane. I like it boom boom damn. Come with a nice young lady, intelligent, yes, she never leave Ari. Never when me go, me never left for a tally. You say that it's no me, I don't run dance, man. Come it in a dance, I lay in a nation. You never know, say that I'm a stormy, yeah, the boom shaka, tell me never lay it down, pretty, now I'm cardboard boxer. You say that I'm a stormy, I go reaching at the top, so informer. You know, say that I'm a stormy, I go glam. I like it boom boom damn. Take them on the say, say that I'm a stormy, stop somewhere down the lane. I like it boom boom damn. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I like it boom boom damn. Take them on the say, say that I'm a stormy, stop somewhere down the lane. I like it boom boom damn. Why would he? Yeah. key. She know how it feels. I saw the shorty, she was checking it for me. From the game, she was spitting in my ear. You would think that she knew me. Decided to cheat. Okay. Conversation got heavy. She had me feeling like she's ready to blow. Watch out. The Mix, le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgi FM. Sorgi FM, Sorgi FM, Sorgi FM, Sorgi FM, Sorgi FM, Sorgi FM, Sorgi FM, Sorgi FM, Sorgi FM, Sorgi FM, Sorgi FM, Sorgi FM, Sorgi FM, Sorgi FM, Sorgi FM, stage and wax a chump like a candle. Dance, rush the speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly, when I play a dope melody, anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit the bullseye, the kid don't play. And if there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. Revolves it. Samedi à 21h sur Sorgier FM.

se lever. Et je reviendrai pour ne plus te quitter. Le temps se termine, le temps est trop court. Il est arrivé déjà le dernier jour. Mais tu peux me croire, dans ce monde à l'envers, je souris. Et le samedi à 21h sur Tour GFM. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Ludo in the mix. Le vendredi et le samedi à 21h sur GFM. GFM. GFM. GFM. GFM. GFM. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Y'a pas de saison pour que vive la musique au fond. Pas de saison

Ludo in the mix. Le vendredi et le samedi à 21h sur SorgFM. SorgFM. SorgFM. SorgFM. SorgFM. SorgFM. SorgFM. SorgFM. SorgFM. SorgFM. Elle sort de mon rêve sans faire de bruit.

croisée sur sa peau bronzée. T'as les banilons qui filent sur les tendons, ses ongles m'accrochent, tu viens chérie. Le lit qui craque et les volets claquent. Seule dans le lit, dans ses draps bleus froissés, sur sa peau lisse, mes doigts glacés. Elle prend la pause, pense à autre chose. Ses yeux miroirs envoient mon regard. Des anges pressés dans ce bloc cassé me disent c'est l'heure, je leur dis quelle heure. Et vous vous souvenez vraiment pas de ce qui s'est passé? Non, vraiment pas. Chacun fait, fait ce qui lui plaît, plaît, plaît. Sous mes pieds, il y a la terre. Sous tes pieds, il y a l'enfer. Chacun fait, fait, fait ce qui lui plaît, plaît, plaît. Mon Dieu, je peux même pas jouir. Tant pis pour toi, il faut dormir. Alors je me sauve dans le matin gris. C'est plein de cajou et pas de taxi. Les chats qui se tapent au petit ronron. Les éminents, ces petits bateaux. Pose la queue, je me sens pas belle. Les bigoudis sont plus en pire. Mon studio, j'aspirateur. La vidéo me fait un peu peur. Madame Pipi a des ennuis. Monsieur Papa se fait du tracas. Dans les logis, les maladies. Bébé femme, lui s'abouillit. 8h du mat, j'ai des frissons. Des dents et je monte le son. Sauf ce lit de mes draps bleus froissés. Sur le pain soumis, sur mes cassés. Je perds la tête de mes cigarettes. Sans toute fumée dans le sang. J'ai des Kleenex et de Blue TV. Je suis toute seule, toute seule, toute seule. T'as dans Boulogne, c'est désespère. Je crois remplir un dernier verre. Clac, fais le verre en temps de soleil glow. Je coupe la main en massant les morceaux. Last night a DJ saved my life, yeah. Cause I was sitting there bored to death. And in just one breath he said, you gotta get up, you gotta get off, you gotta get down, girl. You know you drive me crazy, baby. You've got to turn into another man. Called you on the phone, no one's home. Baby, why leave me all alone? And if it wasn't for the music, I don't know what I'd do. Yeah. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life from a broken heart. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life with a song. Into my car, didn't get very far, no. Before I had you on my mind, why be so unkind? You've got your women all around this town. But I was trapped in love with you, and I didn't know what to do. Turned on my radio, I found out all I needed to know. Check it out. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life from a broken heart. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life with a song. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life from a broken heart. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life, my life. Ludo in the mix.